Kahira, ou celle de Riyad et celle de Londres. Sahih. Non. Rabian, El Kitabu, Rilefuhu, Asfar. Le livre a une couverture jaune. Khamisan, Beytul Modirati, Beynul Mosidi ou El Madrasa. L'école de la. Non, l'école de. La maison de la directrice entre le Mosdit et l'école. El Oum Wajadat El Miknasa. La mère a trouvé le balai. Non. Taïeb. Salisan a dit Asila, Kama Kunna, La Tatarakubi El Nas. Elle se rapporte au texte. Adib an Asila til Atiya. Awlan, Mata Kharajtum Nel Fosli. Quand êtes-vous sorti de la classe? Kharajna Ba'da Salati al-Asr, Salati al-Duhur. Comme sorti après Salat al-Dhuhr. Fanyan, Aina Zahabtum Ba'da al-Darsi. Où êtes-vous allé après le cours? Zahabna ila al-Man'abi. Nous sommes allés au terrain de jeu. Thalithan, Min Ayi Ida'atim Samiatum al-Akhbar. De quelle radio avez-vous entendu les informations? Sami'naha Min Ida'ati Sam'a. Rabi'an, Akurat al-Qadami la'ibtum am Kurat al-Salla. Avez-vous joué au football ou avez-vous joué au basket? La'ibna al-Kurat al-Kurat al-Qadami. Kurat al-Qadami. Non. Taïb, nous avons joué au foot. Rabi'an, ah ça, on a déjà pris ça ensemble. Ça? Non. Ah ouais. On l'a fait, comment dire. Il y avait quoi après? طيب اولا نسالك ما معنى كان كان نعم ما هو سي كوا كان كان المدرس في الفصل قبل خمس دقائق سي كوا كان اولا ما هو فعل نعم في الماضي فعل اتر والمدرس Si on te dit كان المدرس مثلا قائما المدرس ça veut dire quoi ce mot arabe كان المدرس قائما نعم المدرس il va être quoi اسم كان ايوه يعرب هو اسم كان مرفوع وقائما ça veut dire quoi ce mot arabe خبر كان خبر كان منصوب احسنت il y avait quoi pour aujourd'hui également أطيل ألف واللام تعليف على كلمات التي تحتها خط عن اللزوم. وصلى إن شاء الله والفعل. Bien que on n'ait pas bien vu comme ils nous l'ont précisé les mots qui sont sous-titrés ou sous qu'on a tiré en dessous. On n'a pas vu. Inch'Allah. C'est comme on avait dit que tu devais écrire la phrase, c'est ça, avec mettant ألف واللام. طيب. جمل الأولى لمن ذاك البيت ذو باب أخضر. À qui est cette maison qui a une porte verte? L'imen ذاك البيت ذو الباب الأخضر. البابي. البابي. مضاف. البابي الأخضري. نعم. D'ailleurs, là, c'est ce qu'il y a des gens dans le Nahou qui disent qu'après « dhu », il est « mudaf » à « nakira », toujours. Et cette parole-là n'est pas correcte. Et d'ailleurs, le Coran le prouve. « Dhu l'arsh majid »« Dhu l'arsh » Tu vois, il y a un « lifolem ». Parce que maintenant, ils disent que « dhu » après « dhu », tu n'as pas de nom avec un « lifolem » qui vient. Donc cette parole-là, « wa marjouh », ce n'est pas le plus authentique. « Thanyan »« Man dhalik al-fata dhu nazaratin saghiratin » Qui est ce garçon qui a des petites lunettes. من ذاك الفتى ذو النظارة الصغيرة. نعم. ثالثا ذلك الرجل ذو حقيبة جميلة طبيب مشهور. Donc cet homme qui a une valise, une belle valise, est un docteur ou un médecin célèbre. ذلك الرجل ذو الحقيبة الجميلة طبيب مشهور. نعم. رابعا من ذلك الولد ذو قميص احمر qui est ce jeune ce garçon qui a un قميص rouge من ذلك الولد ذو القميص الاحمر نعم خامسا

نعم في المجازين هذه الإيماج en couleur. هذه الدراجة ذات عجل ثلاث لابن الصغير. Donc cette moto, ce vélo, on dira plus, je pense qu'il veut dire vélo plutôt parce que c'est un petit garçon. Puis même en fait, moto, ça se dirait al-daraja bukhariya, du mot bukhar qui veut dire vapeur, ou daraja nariya. En fait, ça c'est comme ça qu'on dirait une moto réellement. Mais aujourd'hui, on a conçu, on dit daraja tout simplement, qui peut être aussi s'appliquer sur un vélo. Donc il dit ce vélo à trois roues, et pour mon petit, ou le petit, mon fils le plus petit. Non. Là, même s'il n'a pas dit el asrar, on comprend qu'en disant le sourire, c'est le plus petit qui veut dire. Vous voyez, même s'il n'a pas mis ismet ofdil, on comprend qu'il a voulu dire par là son fils qui est petit. Thani achar, tilkal masajidu. Donc ces mosquées ou ces masajides qui ont des minarets hauts ou élevés sont très beaux. Non, c'est pas vrai. Alors, tilkal masajidu datul manairi al-aliyati jamilatun jamilatun jiddan. Non. Wa hada al-kul ma sahih. Il y avait quoi d'autre? Le Ismet al-Ashar. Non. Kawin Jumalan Mustamilan al-Kalimat al-Atiya. Donc, tu dois faire des phrases en utilisant les mots qui sont cités en dessous. Dakhala. Dakhala al-Rajulul Bayta. Non. Bahatha an, qui veut dire chercher. Al-Talibu Bahatha an kitabuhu. An. Kitabaha. An. Kitabihi. Ah, c'était plus que ça. Harfujar. Donc, moi, je joue. Vous voyez? An, c'est Harfujar. Al-Uzbu' al-Madi. Dahabtu ila Makkata al-Uzbu' al-Madi. Je te dirais oui et non. Al-Uzbu' al-Madiya. Je te dirais oui. Parce que eux, ils t'ont demandé Uzbu' al-Marfour. Mais je te dirais non, selon ta phrase, Ozbou, il ne peut pas être malfoi. Il doit être mansoub, ça va être un zarf de même. Ozbou al-Mandir ? Non, mais il le voulait malfoi. T'en fais voir comment dans le texte ils l'ont mis, la Amina, ou la Tricodem. Là, ils n'ont pas mis. Mais en fait, pour eux, dans la phrase, si, il est majrour. Ce qu'ils ont dit, fil ousbouil mardi. Vous voyez, ils ont mis fil ousbouil mardi. Donc il est majrour dans le texte. Dans ta phrase, il aurait dû être mansoub. Et eux, ils l'ont présenté marfoua. Khain, inchallah. On ne va pas se prendre la tête. Al-Barihata. Sharibtul Kahwata Al-Barihata. Oman, il ne t'a pas dit ça. Il ne t'a pas dormi après. Ziyaratun. Qui veut dire visite. Zahabna li ziyarati Mekata. Mekata. Zou. Aina rajulu zul qamisul abiyadu. Zou. Qamisi abiyadi. Naam. Nisfun. Qui veut dire moitié. Sharibtu nisful. Nisfa. Nisfa. Sharibtu nisfal. Fan. Finjani. Taïeb. J'ai bu la moitié de la tasse. Alain sera cool. Puis, un terce. Un tasse, Inch'Allah. On voit. Nassoun Tawil. عندنا الطلاب عندنا وناس كثير على كلين انا ساقرا

نعم الله خير الجن de feu. المدرس يقول كيف عرفت ذلك يا أبو بكر؟ donc comment tu sais cela ou أبو بكر؟ عرفت ذلك من القرآن الكريم فجاء في سورة سورة الأعراف أن إبليس قال لله أن خير أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. نعم. que dis-je cela depuis le noble Coran car cela est venu dans سورة الأعراف que Iblis dit à Allah dans le sens je suis meilleur que lui, c'est-à-dire que Adam, tu m'as créé de feu et tu l'as créé de terre, d'argile. Voilà le kibr, aïn el kibr. Et ça même, il kharaj Iblis met Jenna ou le kibr. Il s'est cru meilleur que Adam du fait qu'il lui fut créé de feu et Adam de terre, ce qui causa son renvoi du Jenna. L'orgueil, A'oudhou billah. El Moudalis Yakoul, Arsenta ya Abou Bakr. Tu as bien dit, Abou Bakr. Kem sama'an khalaqallahu ya Abdullah. Combien de cieux Allah t'a créé, ou Abdullah? Khalaqallahu sab'a samawati. Non, Allah a créé sept cieux. El Moudalis Yakoul, wa fi kem yu'min khalaqallahu samawati wal ard ya Abdurrahman. Donc, en combien de jours Allah t'a créé les cieux et la terre, ou Abdurrahman? خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام. نعم. الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام. نعم. الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام. نعم. الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام. نعم. الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام. نعم. الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام. نعم. الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام. نعم. الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام. نعم. الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام. نعم. الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام. نعم. الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام. نعم. الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام. نعم. الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام. نعم. الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام. نعم. الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام. نعم. الله خلق السماوات Allah est celui qui a créé sept cieux. Wa kadhalika qala fi kathir min ayat annahu khalaqa as-samawati wal ard fi sittati ayyam. Et pareillement, il dit dans plusieurs versets qu'il a créé les cieux et la terre en six jours. Fa qala fi sourate al-Hadid, donc il dit dans sourate al-Hadid le fer, wal ladhi khalaqa as-samawati wal ard fi sittati ayyam. Il est celui qui a créé les cieux et la terre en six jours. Wa fi hadhihi al-lahza, et à cet instant, lahza cet instant, ranna al-jaras donc à cet instant, la cloche retentit et l'enseignant sortit de la classe. Là, on a, comme on a tout traduit, les mots sont inchallah assimilés. Kafi alatina el awel wa thani. Thani el akhamino. Aïwa, el thani wa thalith el bayt. نعم رابعا يقول ما معنى الكلمات الآتية que veut dire ces mots التين ما معنى التين l'argile كما قال هو والتراب المختلط بالماء c'est la terre mélangée à de l'eau عادة هذا فعل عادة يعود ما معنى عادة عادة معناه رجع رجع نعم et ça peut aussi visiter تعود المريض. Mais le sens originel, c'est « raja », revenir. « Al-jad ». Maman al-jad. Al-jad. Nam. Man jadduk. Ah, c'est le grand-père. Nam, le grand-père. Attention, alors, par contre, entre le « jad » et le « jid ». « Jad » avec la fatha, c'est le grand-père. Ou « jid », c'est le sérieux. Quand lorsqu'on dit « jiddan », tu vois, ça vient de ce mot-là. « Jiddan », sérieusement, franchement, beaucoup. Nam. Quand on dit « laïsa al-jad » Al-jad. Non, ça vient de l'origine de Jid, mais là c'est un autre mot. Jada, avec un Med et Atamar Bouta. Et ça a un lien avec Jid. Non. Khamisan, Ikron Misael, Sumakmil Mayali, Alahirolihi. Donc il dit, lis l'exemple, et ensuite tu combles les autres phrases en suivant l'exemple que tu as lu auparavant. Il dit, Asimatu Soudani, El Khurtoum. Donc il dit la capitale du Soudan c'est Khartoum. Asima c'est capitale. طيب جمل اولى مع العراق l'Irak. عاصمة العراق بغداد. نعم la capitale de l'Irak c'est Bagdad comme ils disent. ثانيا المملكة العربية السعودية le royaume de de l'Arabie Saoudite. عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض. نعم. الرياض. الرياض. Beaucoup vont dire c'est Mecca. Beaucoup disent Mecca. En fait, c'est pas Mecca la capitale, c'est Riyad, la Makulta. Bien que Mecca est le meilleur lieu du monde. ثالثا اليمن. عاصمة اليمن دمج صنعاء. صنعاء نعم. رابعا مصر. عاصمة مصر القاهرة. نعم القاهرة الكيا. طيب على سين. كل جغرافية. طيب maintenant il va entrer dans quoi dans ce qu'on a pris dans le texte. ما أسهل هذا الدرس. هذا s'appelle Sirat al Ta'ajjub. C'est une formule d'exclamation. Quand tu es surpris d'une chose. Donc il dit Sadisan, Ikra al-Amsila, Sumaktub al-Jumal al-Atiya, Mustamilan, Fir al-Ta'ajjub. Par exemple, il dit Hada Rajulu Tawilun. Vous voyez, cet homme est grand. Déjà, on commence par dire quoi nous Tabarakallah wa Mubarak. Il ne faut pas lui porter l'œil.